Mais le capitaine Nemo quitta la grotte et nous remontâmes sur le banc des Pintadines, au milieu de ces eaux claires que ne troublait pas encore le travail des plongeurs. Nous marchions isolément. Pour mon compte, je n'avais plus aucun souci des dangers que mon imagination avait exagérés si ridiculement. 10 minutes après, le capitaine Nemo s'arrêtait soudain. À 5 mètres de moi, une ombre apparut et s'abaissa jusqu'au sol. C'était un homme vivant, un indien, un pêcheur, un pauvre diable. Plusieurs fois, il remonta et plongea. Il ne rapportait pas plus d'une quinzaine de pintadines à chaque plongée, car il fallait les arracher du banc auquel elles s'accrochaient par leur robuste byssus. Et combien de ces huîtres étaient privées de ces perles pour lesquelles il risquait sa vie? Tout d'un coup, une ombre gigantesque, un requin de grande taille, s'avançait diagonalement, l'œil en feu, les mâchoires ouvertes. Le capitaine Nemo, posté près de moi, marcha droit au monstre et lui enfonça son poignard dans le ventre. Un combat terrible s'engagea. La mer se teignit de rouge et, à travers ce liquide opaque, je ne vis plus rien. Le capitaine tomba sur le sol renversé par la masse énorme qui pesait sur lui. Relevé sans blessure, il alla droit à l'Indien. Sous la vigoureuse friction de conseil du capitaine, je vis peu à peu le noyé revenir au sentiment. Il ouvrit les yeux. Le capitaine Nemo, tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles, le lui mit dans la main. Cette magnifique aumône de l'homme des eaux au pauvre Indien de Ceylan fut acceptée par celui-ci d'une main tremblante. À 8h30, nous étions de retour à bord du Nautilus. Là, je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion au banc de Manahar. 2 observations s'en dégageaient inévitablement. L'une, portant sur le dessein pareil du capitaine Nemo. L'autre, sur son dévouement pour un être humain, l'un des représentants de cette race qui fuyait sous les mers. Quoi qu'il en dit, cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier. Lorsque je lui fis cette observation, il me répondit d'un ton légèrement ému. « C'est Indien, monsieur le professeur. C'est un habitant du pays des opprimés. Et je suis encore, et jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là. »